Je vois déjà chez nous du vent, du thé sur mes genoux. Moi plein d'émoi, vous sentant tout à moi. Ah, quel bonheur se sentir sans gêneur, tous les deux des années, sans la bonne, sans personne, à quitter les forêts, bien que nous vraiment seuls, bien seuls, seuls. Le jour qui se lèvera, entre vos bras me trouvera. Ce jour-là comme les autres jours, toujours. Voyez tous deux comme nous serons heureux. Si comme plus d'un amant, j'ai rêvé fréquemment d'un bel appartement, jamais ne suis-je arrivé à pouvoir le trouver, l'appartement rêvé. Nous aurons loin de la ville un coin tranquille, meilleur marché. Là quand nous serons nichés, on pourra nous chercher, nous saurons nous cacher. Du vent, du thé sur mes genoux, avec du cake et des petits gâteaux secs. Ah, quel bonheur se sentir sans gêneur, tous les deux des années, sans la bonne, sans personne, à qui téléphoner, bien que nous vraiment seuls, bien seuls, seuls. Le petit jour me surprendra, vous préparant du chocolat. Ce jour-là comme les autres jours, toujours. Et finalement, certainement, quand nous aurons beaucoup d'enfants, voyez tous deux quand nous serons heureux. Vrai, je trouve en le jugeant que ce plan diligent est des plus engageants. C'est comme vous le devinez, pour vous déterminer, que je l'ai combiné. Je trouve tout admirable, mais raisonnable, à votre tour. Veuillez bien attendre pour abriter notre amour, que j'ai choisi mon jour. Je vous vois déjà chez nous, du vent, du thé sur mes genoux, moi plein d'émoi, vous sentant tout à moi. À quel bonheur se sentir sans gêneur, tous les deux des années, sans la bonne, sans personne, à qui téléphoner, bien que nous vraiment seuls, bien seuls, seuls. Le jour qui se lèvera, entre vos bras me trouvera. Ce jour-là comme les autres jours, toujours. Voyez tous deux comme nous serons heureux.